Dans la suite du cours, nous allons étudier l'articulation entre deux notions, le désir et la volonté, ainsi que les tensions qui peuvent exister entre ces deux notions. Dans le langage courant, les expressions « je veux X » et « je désire X » sont quelquefois confondues. On les emploie parfois l'une à la place de l'autre. On emploie aussi bien « je veux » que « je désire » pour désigner en fait la même chose. Cependant, alors que la notion de volonté renvoie à une capacité d'effectuer des choix délibérés, de déterminer librement ses actions en conscience, celle de désir s'applique plutôt pour désigner l'attraction spontanée pour quelque chose. Autrement dit, alors qu'exercer sa volonté implique de contrôler ses propres actions, le désir, quant à lui, semble échapper à un tel contrôle. En effet, on ne choisit pas les objets de notre désir. Ces objets s'imposent à nous en quelque sorte. Par exemple, on ne choisit pas d'être attiré par telle personne plutôt que telle autre. Ce n'est pas vraiment un choix qui s'exerce, alors que lorsqu'il est question de volonté, on parle bien de choix. Il apparaît ainsi une tension possible entre le désir et la volonté. Se laisser guider par ses désirs semble revenir à cesser d'exercer un contrôle réfléchi sur ses actions, pour agir finalement de façon spontanée et potentiellement irrationnelle. Agir par volonté, au contraire, semble se traduire par le fait de résister à ses désirs et prendre des décisions rationnelles sur la base d'une réflexion, d'un examen précis de nos options. Mais d'un autre côté, lorsque l'on prend une décision, même si c'est de façon réfléchie, on le fait toujours en fonction de certaines motivations. Or, nos désirs semblent bien faire partie de ces motivations, de ces mobiles qui nous incitent à agir en un sens déterminé, dans la mesure où nos désirs nous orientent vers certains objets plutôt que d'autres. Mais alors, la volonté peut apparaître comme elle-même influencée par les désirs. On va donc chercher ici à éclaircir les tensions qui peuvent naître entre ces deux notions. On voit bien qu'elles sont liées l'une à l'autre, mais il faut chercher à les distinguer. Et donc on va étudier la façon dont leurs relations ont été envisagées par différents philosophes. En premier lieu, on va s'intéresser à la position de Platon sur cette question du désir et de la volonté. Alors, chez Platon, on a l'image d'une âme humaine divisée en trois parties. C'est notamment ce qu'il présente dans La République. Donc ces trois parties, quelles sont-elles? Il y a d'abord une partie rationnelle de l'âme. La partie rationnelle de l'âme, c'est celle dont la vertu propre est la sagesse lorsque l'âme est éduquée. Ensuite, il y a ce qu'il appelle la partie ardente de l'âme, dont la vertu propre est le courage. Donc c'est la partie de l'âme qui pousse à agir d'une certaine façon. Et enfin, il y a la partie désirante, qui est le siège de la meute des désirs et des plaisirs. Donc pour Platon, dans une âme juste, une âme organisée, eh bien c'est une âme dans laquelle existe un certain ordre. C'est lorsque la hiérarchie dans l'âme est bien réalisée, que la partie rationnelle de l'âme domine les autres parties, qu'elle obtient le contrôle et la modération des désirs avec le soutien de la partie ardente. Voilà. Donc pour Platon, voilà, il y a une bonne façon d'utiliser son âme, un bon ordre de l'âme, c'est lorsque la partie rationnelle domine les autres parties et que les désirs sont contenus, les désirs sont modérés. Il établit une correspondance entre l'ordre dans l'âme du sage notamment, celui justement qui utilise sa partie rationnelle pour bien contrôler ses désirs. Et donc, il établit une correspondance entre cette âme du sage et l'ordre qui doit exister dans ce qu'il appelle la cité juste. La cité qui est organisée selon le principe de justice, qui est un principe également d'organisation de la société. La cité juste est celle dans laquelle les philosophes rois gouvernent la cité avec le soutien des soldats courageux pour contrôler le peuple qui doit être tempéré dans ses désirs. Voilà, donc, il fait cette idée que la raison doit finalement dominer les désirs, et cette domination de la raison sur les désirs, elle doit exister à la fois au niveau de l'individu, dans son âme, mais aussi au niveau de la cité, avec ce règne des philosophes. Alors que se passe-t-il dans le cas où ce sont justement, c'est la partie désirante qui domine, ce sont les désirs, cette meute des désirs et des plaisirs qui n'est pas sous contrôle de la partie rationnelle. Donc où on a cette meute des désirs qui sont en nombre infini, hein, voilà, ça peut être le désir de gloire, le désir de pouvoir, le désir de richesse, ou le désir d'avoir de nombreux amants, amantes. Voilà, il nous dit tout ça, c'est une infinité de désirs qui existent dans l'âme, qui devraient être contenus, mais que se passe-t-il si cette partie n'est pas contrôlée par la partie rationnelle de l'âme? Et donc ça, c'est ce que décrit Platon au livre 9 de la République, lorsqu'il fait le portrait de l'homme tyrannique. L'homme tyrannique, c'est justement celui qui est dominé par ses désirs, et donc là, on retrouve aussi ce même schéma, cette même correspondance entre l'ordre dans l'âme et l'ordre dans la cité. Eh bien, l'homme tyrannique dominé par ses désirs, ça correspond à la cité tyrannique, celle dans laquelle c'est un homme complètement dominé par ses désirs, qui gouverne selon son bon plaisir, qui gouverne les hommes, non pas en cherchant à faire le bien, mais simplement en cherchant à faire son plaisir. Et donc, il va nous dresser le portrait de cet homme. Donc, nous allons lire un passage. Donc là, c'est Socrate qui parle. Examine ce que je veux voir en eux. Le voici. Parmi les plaisirs et les désirs non nécessaires, certains me semblent illégitimes. Ils sont probablement innés en chacun de nous, mais réprimés par les lois et les désirs meilleurs, avec l'aide de la raison. Ils peuvent chez quelques-uns être totalement extirpés ou ne rester qu'en petit nombre et affaiblis, tandis que chez d'autres, ils subsistent plus forts et plus nombreux. Mais de quels désirs parles-tu? De ceux, répondis-je, qui s'éveillent pendant le sommeil, lorsque repose cette partie de l'âme qui est raisonnable, douce et faite pour commander à l'autre, et que la partie bestiale et sauvage, gorgée de nourriture ou de vin, tressaille, et après avoir secoué le sommeil, part en quête de satisfaction à donner à ses appétits. Tu sais qu'en pareil cas, elle ose tout, comme si elle était délivrée et affranchie de toute honte et de toute prudence. Elle ne craint point d'essayer, en imagination, de s'unir à sa mère, ou à qui que ce soit, homme, dieu ou bête, de se souiller de n'importe quel meurtre, de ne s'abstenir d'aucune sorte de nourriture, en un mot, il n'est point de folie, point d'impudence dont elle ne soit capable. Tu dis très vrai. Mais, reprend Socrate, lorsqu'un homme sain de corps et tempérant se livre au sommeil, après avoir éveillé l'élément raisonnable de son âme, et l'avoir nourri de belles pensées et de nobles spéculations, en méditant sur lui-même, lorsqu'il a évité d'affamer aussi bien que de rassasier l'aimant concupiscible, afin qu'il se tienne au repos et n'apporte point de trouble par ses joies ou par ses tristesses au principe meilleur, mais se laisse seul avec soi-même et dégagé, examiner et s'efforcer de percevoir ce qu'il ignore du passé, du présent et de l'avenir. Lorsque cet homme a pareillement adouci l'élément irascible et qu'il ne s'endort point le cœur agité de colère contre quelqu'un, lorsqu'il a donc calmé ces deux éléments de l'âme et stimulé le troisième, en qui réside la sagesse, et qu'enfin il repose, alors tu sais, il prend contact avec la vérité, mieux que jamais, et les visions de ses songes ne sont nullement déréglées. Donc là, vous voyez, dans ce premier passage, Socrate a opposé, enfin Platon, mais qui parle à travers Socrate, il a opposé ces deux figures. D'un côté, cette figure de l'homme qui n'a pas reçu une éducation propre, donc qui est dominé par ses désirs, et ses désirs se manifestent notamment pendant le sommeil, ils le font imaginer tout un tas d'actions complètement immorales d'une certaine façon, alors que l'homme qui a reçu une juste éducation et dans lequel c'est sa raison qui domine son âme, eh bien lui, même pendant le sommeil, il n'est pas emporté par ses mauvais désirs d'une certaine façon. Bon, et donc, que se passe-t-il lorsque nous revenons à cet homme tyrannique qui, lui, est dominé par ses désirs? Lors donc que les autres désirs, donc c'est Socrate qui parle de nouveau, bourdonnant autour de ce frelon, dans une profusion d'encens, de parfums, de couronnes, de vins, et de toutes les jouissances qu'on trouve en de pareilles compagnies, le nourrissant, le font croître jusqu'au terme, et lui implantent l'aiguillon de l'envie, alors ce chef de l'âme, exporté par la démence, est pris de transports furieux, Et s'il met la main sur des opinions ou des désirs tenus pour sages, et gardant encore quelque pudeur, il les tue ou les boute hors de chez lui, jusqu'à ce qu'il en ait purgé son âme et l'ait empli d'une folie étrangère. Ainsi donc, merveilleux ami, rien ne manque à un homme pour être tyrannique quand la nature, ses pratiques ou les deux ensemble l'ont fait ivrogne, amoureux et fou. Donc là, il nous décrit au contraire cet homme tyrannique dominé par ses désirs. On voit que même s'il peut exister encore des traces de raison en lui, les mauvais désirs, d'une certaine façon, sont tellement puissants qu'il va les éliminer. Et alors, encore une fois, il faut toujours voir ce passage avec cette correspondance entre l'échelle de l'âme individuelle et l'échelle de la cité. Donc, à l'échelle de l'âme individuelle, on a cet homme dans lequel les désirs mauvais dominent les désirs potentiellement positifs. Eh bien, il nous dit que c'est un peu la même chose que le tyran qui va avoir ses conseillers autour de lui, ses conseillers qui le flattent, qui le poussent à continuer ses mauvaises actions. Et s'il se trouve qu'il y a un bon conseiller qui chercherait à réorienter la conduite du tyran, eh bien, il serait éliminé de la même façon que dans l'âme, les bons désirs, les désirs rationnels seraient éliminés. Dernier passage que nous allons lire de Socrate. Mais quoi ? Lorsqu'il aura épuisé les biens de ses pères et mères, et que les passions se seront rassemblées en essaims nombreux dans son âme, n'en viendra-t-il pas à toucher à la muraille de quelque maison, ou au manteau de quelque voyageur attardé dans la nuit, puis à faire place nette dans les temples ? Et en toutes ces conjectures, les vieilles opinions, tenues pour justes, qu'il avait depuis l'enfance sur l'honnête et le malhonnête, céderont le pas aux opinions nouvellement affranchies, qui servent d'escorte à l'amour, et triompheront avec lui. Auparavant, ces dernières ne se donnaient libre cours qu'en rêve, pendant le sommeil, car il était alors soumis aux lois et à son père, et la démocratie régnait dans son âme. Mais maintenant tyrannisé par l'amour, il sera sans cesse à l'état de veille, l'homme qu'il devenait quelquefois en songe. Il ne s'abstiendra d'aucun meurtre, d'aucune nourriture défendue, d'aucun forfait. Eros qui vit en lui tyranniquement dans un désordre et un dérèglement complet, parce qu'il est le seul maître, poussera le malheureux, dont il occupe l'âme, comme un tyran à la cité, à tout oser pour le nourrir, lui et la cohue des désirs qui l'entourent. Ceux qui sont venus du dehors par de mauvaises compagnies, et ceux qui, nés à l'intérieur de dispositions pareilles aux siennes, ont rompu leurs liens et s'en sont affranchis. Donc là, encore une fois, il y a toujours ce parallèle entre l'échelle de l'âme individuelle, l'échelle de la cité. Et donc on a cet homme qui est emporté par ses désirs, ses mauvais désirs. Ces désirs qu'il réalisait au départ de façon imaginaire, eh bien, une fois qu'ils ont pris entièrement contrôle de lui, il décide de les assouvir, d'assouvir tous ses fantasmes, même les plus mauvais, sans aucune retenue, sans aucun contrôle et aucun respect des règles qu'il avait pu apprendre par le passé. Et avec cette idée que ce qui se passe au niveau de son âme, c'est aussi ce qui se traduit à l'échelle de la cité, parce que le tyran, c'est justement cet homme qui gouverne sans se soucier de quoi que ce soit, juste en étant emporté par ses désirs. Et voilà, si par exemple il se met à désirer tuer quelqu'un, et ben il va le faire tuer, peu importe les conséquences, sans aucun souci de tout cela. Et donc, cette domination de la meute des désirs sur l'âme corrompue, ça s'oppose au contraire au désir modéré, celui qui est soumis à la raison et qui est orienté en fonction d'un savoir, un désir qui se dirige finalement vers le bien.